إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، nous avions évoqué l'intervention de ce croyant de la famille de Pharaon qui essaya tant bien que mal de raisonner ce dernier ainsi que son peuple. Il leur parla tout d'abord avec courtoisie et affabilité, espérant ainsi toucher leur cœur. Il usa de propos pleins de bon sens et de sagesse. Puis, lorsqu'il vit que ses paroles n'avaient pas d'effet sur eux, il leur rappela le comportement de leurs ancêtres vis-à-vis de Yusuf alayhi salam et que leur comportement vis-à-vis de Moussa était similaire, voire pire. Ensuite, il les exhorta de la plus belle des manières, si belle et sublime qu'Allah le Très-Haut, tabaraka wa ta'ala, nous les cite dans son noble livre. Cet homme cacha dans un premier temps sa foi. Puis, il extériorisa cette foi à un moment très critique, au moment où Pharaon avait dit « وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ » Et Pharaon dit « Laissez-moi tuer Moussa et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. » Nous avions déjà expliqué que ces paroles étaient en fait ni plus ni moins qu'un pur mensonge. Donc cet homme a extériorisé sa foi à un moment où Pharaon était au summum de sa colère aveugle, prêt à en découdre avec Moussa alayhi salat wa salam en le tuant. Ce qui prouve que cet homme ne cacha pas sa foi par peur, car si tel était le cas, il aurait à plus forte raison caché celle-ci dans cette situation dangereuse. Il est intéressant ici de faire le parallèle entre le cas de ce croyant de la famille de Pharaon et celui de la famille de Yassine, cité dans la sourate Yassine, pour montrer que la fin heureuse appartient toujours aux gens pieux sur la vérité. Concernant le premier, Allah tabaraka wa ta'ala dit فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Sourate 40, verset 45-46. Allah donc le protégea des méfaits de leur ruse, alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon, le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Et le jour où leur arrivera, il sera dit « Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. » Quant au deuxième, Allah dit le concernant, قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. La sourate 36, les versets 26 et 27. Alors il lui fut dit, après qu'il fut tué, entre au paradis. Il dit, ah, si seulement mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Dans tous les cas, le croyant est gagnant. Qu'Allah lui donne la victoire sur ses ennemis, ou bien le préserve de leur mal, ou encore lui octroie le martyr. Tel est celui qui œuvre dans le sentier d'Allah avec foi, et escomptant la récompense d'Allah, celui-là ne sera jamais déçu, et Allah le comblera de ses bienfaits. À la suite de cela, Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, la finalité est qu'Allah les a exterminés qu'après leur avoir exposé l'épreuve. Envoyer un messager, lever les ambiguïtés, qu'un des leurs témoigne contre eux, et les avoir encouragés et menacés, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Sourate 7, les versets 130 à 133. Nous avons éprouvé le peuple de Pharaon par la famine et par une diminution des fruits, afin qu'il se rappelle, afin qu'il se souvienne, afin qu'il se repente, afin qu'il réfléchisse. Et quand le bien leur vint, ils dirent, cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais présage. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, quelle que soit la preuve claire que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne croirons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux le déluge, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang comme signe détaillé, ou alors on peut le traduire comme signe séparé, venant les uns après les autres. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Allah mentionne qu'il a éprouvé le peuple de Pharaon, les Coptes, plusieurs années, par la famine qui vit une diminution des récoltes et des profits de l'élevage. J'ouvre une parenthèse ici. L'imam Ibn Kassir, rahmallah tabaraka wa ta'ala, a expliqué le terme de sinin par des années de disette. Or, on peut le comprendre aussi comme étant seulement la disette, sans pour autant que cela s'inscrive dans un temps très long. Car lorsque le terme de sinin est employé avec l'article, il signifie al-jadbu al-qahtu, c'est-à-dire la disette et la sécheresse. Tout ça pour vous dire que on ne comprend pas forcément de ce verset que cette disette s'inscrivit sur plusieurs années. Il se peut qu'elle ait eu cours moins d'un an, quelques mois, ou un peu plus d'un an, ou quelques années seulement. Je reprends la parole de l'imam Ibn Kassir. Allah mentionne qu'il a éprouvé le peuple de Pharaon, des Coptes, plusieurs années, par la famine qui vit une diminution des récoltes et des profits de l'élevage, afin qu'ils se rappellent. Mais cela ne leur fut d'aucune utilité. Et ils persistèrent dans la mécréance et l'opposition. Et quand le bien leur vint, autrement dit la prospérité, ils dirent, cela nous est dû. C'est ce que nous méritons, et c'est ce qui nous revient de droit. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais présage. Ils disaient, c'est par la faute de leur mauvais augure que ce mal nous atteint. Mais lorsqu'un bien les touchait, ils ne disaient pas cela. Ils ne disaient pas que cela était dû à leur bénédiction et leur présence bénéfique parmi eux. Leur cœur était négateur, orgueilleux et fuyait la vérité. Lorsque venait le mal, ils l'attribuaient à Moussa, et lorsqu'ils voyaient un bien, ils se l'attribuaient à eux-mêmes. Allah dit, Jalla wa Ala, en vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah. C'est Allah qui les rétribuera largement pour cela, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent, quelle que soit la preuve claire que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne croirons pas en toi. C'est-à-dire, quoi que tu nous apportes comme prodiges et miracles, nous ne croirons pas en toi, nous ne te suivrons pas et nous ne t'obéirons pas. C'est ce dont Allah nous informe lorsqu'il dit « Inna alladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun wa law ja'atkum kullu ayatin hatta yarabu al-'adhab al-alim » Sourate 10, versets 96 et 97. « Ceux contre qui la parole de ton Seigneur a été prononcée ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. » Et Allah dit tabaraka wa ta'ala, « Et nous avons alors envoyé sur eux le déluge, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang comme signe détaillé ou alors comme signe séparé les uns des autres. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. » Pour ce qui est du déluge, Ibn Abbas a dit qu'il s'agissait de pluies torrentielles qui détruisaient les cultures et les fruits. C'est aussi l'opinion de Saïd ibn Jubayr, l'imam Qatada, As-Suddi et l'imam Ad-Dahhak. Pour ce qui est des sauterelles, le sens est clair. Le prophète s'est abstenu d'en manger uniquement par dégoût, de la même manière qu'il ne mangeait pas le lézard, l'oignon, l'ail et le poireau, comme cela est rapporté par Abdullah ibn Abi Awfa, qui a dit « Nous sommes partis 7 fois en expédition avec le messager sallallahu alayhi wa sallam et nous mangeons des sauterelles. » L'essentiel est que ces sauterelles ont dévoré toute leur culture, ne laissant ni légumes, ni fruits, ni poils, ni laine. Pour ce qui est des poux, Ibn Jarir rapporte quant à lui que cela désigne les tiques qui pénètrent les maisons, les couches, ne laissant aucun répit, les empêchant de dormir et de vivre. Pour Atta ibn Sa'ib, cela désigne tout simplement les poux connus, ceux qui viennent se loger dans les cheveux sur la tête. Pour ce qui est des grenouilles, leur sens est également connu. Elles investirent tous les lieux jusqu'à tomber dans leur nourriture, leurs ustensiles. Et lorsque quelqu'un ouvrait la bouche pour boire ou manger, une grenouille est tombée. On les trouvait aussi dans les conduits ou les tuyauteries. Elles sautaient dans les marmites dans lesquelles ils préparaient leur repas. En un mot, elles leur rendaient la vie impossible. Pour ce qui est du sang, il se mélangea à toutes les eaux, à tel point qu'à chaque fois qu'ils puisaient de l'eau du Nil, elle était mélangée à du sang, de même pour les rivières, les puits et tout point d'eau. Imaginez-vous. Tout cela ne touchait pas les enfants d'Israël. Et c'est là la plénitude du miracle éblouissant et la preuve irréfutable que cela leur arrivait par le fait de Moussa alayhi salatu wassalam, car cela affectait jusqu'au dernier des Coptes, mais aucunement les enfants d'Israël. Et c'est là la plus grande épreuve. Comment ont-ils réagi face à ces plaies, à ces malheurs, à ces catastrophes? Se sont-ils repentis à Allah, tabaraka wa ta'ala? Ont-ils réalisé qu'ils étaient fautifs? Se sont-ils repentis vers leur Seigneur et ont porté foi au message de Moussa alayhi salatu wassalam, ou bien se sont-ils enflés d'orgueil? Lorsque la disette est venue, la famine, la sécheresse, alors qu'ont-ils dit? Ils ont dit que ceci était dû à la mauvaise augure de Moussa et ceux qui étaient avec lui, comme s'ils disaient que Moussa portait malheur en lui-même. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en regard de ce déni de la vérité, il leur envoya successivement les plaies. Se sont-ils repentis? Ont-ils une bonne fois pour toutes arrêté d'être orgueilleux, plein de vanité, fiers? Non. Cela n'a fait que les accroître dans leur orgueil. Et c'est pour ça qu'Allah dit tabaraka wa ta'ala à la fin de ce verset, Fastakbaru wa kanu qawman mujrimin. Ils s'enflèrent d'orgueil et ils furent un peuple de criminels. Comme ils accueillirent la disette en disant que c'était dû à Moussa alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'ils prétendaient que Moussa porte malheur, ils accueillirent de même les signes, c'est-à-dire les plaies, par leur extrême orgueil. Qu'est-ce qui les a empêchés de se repentir, si ce n'est que leurs cœurs furent voilés à la vérité et imperméables à celle-ci? قال الله جل وعلا ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. À Sourate 7, les versets 134 à 136. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent: Ô Moussa, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes éloigné de le châtiment jusqu'au terme fixé qu'il devait atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors nous nous sommes vengés d'eux. Nous les avons noyés dans les flots parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes. Et n'y prêtait aucune attention. Allah mentionne ainsi la mécréance de Pharaon et de son peuple, leur transgression, leur obstination dans l'égarement et l'ignorance, et leur refus de suivre les signes d'Allah et de croire en son messager malgré les signes imminents et aveuglants. Il est preuve limpide et irréfutable qu'Allah leur a fait voir de leurs yeux et dont il a fait un signe et une preuve. Mais à chaque fois qu'ils voyaient de leurs yeux un signe et que cela les éreintait et les irritait, et leur rendait la vie pénible, ils faisaient le serment à Moussa que s'il le faisait cesser, il croirait en lui et laisserait partir avec lui tous les membres de son peuple. Mais chaque fois que le châtiment était levé, leur mal empirait. Ils se détournaient de la vérité qui leur amenait, ils se détournaient de la vérité qu'il leur amenait et n'y prêtaient aucune attention. Allah leur envoyait alors